Lying. Ok, j'attendais ton début, Eileen. Excuse-moi, j'ai la voix enrouillée. Rouillée, rouillée. Aujourd'hui, le lundi 8 avril. Oh non. Oh non, la musique. S'il vous plaît. Hé, là-bas. Laisse émaner l'insoupçonné. Ça veut rien dire. Mais c'est pour la rimette. Ouais, mais quand la rimette ne rime à rien. Ah, oh, ok. Comme je l'ai déjà mentionné il n'y a pas si longtemps. Regarde avec tes yeux. T'as pas, c'est quoi là? Regarde avec tes yeux. Parle avec ta bouche. Marche avec tes pieds. Tu verras, ça ira mieux cette année. Aujourd'hui, le lundi 8 avril 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mais c'est Kairélien préféré! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bainfumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Yeli. Oui, je sais. Comme le disait Micheline Langteau, qui est une femme de tête, une intellectuelle québécoise, le format, c'est la dictature. Donc, Errance canadienne n'entre dans aucun format. La preuve, nous sommes diffusés à cette heure-ci. Et c'est pas un grief. Ce n'est pas un mécontentement. C'est un constat. Et ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas du hasard. Croyez-vous au hasard, madame, vous? Oui. Moi, non. Ah non, le hasard n'existe pas. Le hasard est hasardeux. Le hasard est comme la croyance. On y adhère ou pas. Voilà. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'achète aucune loterie. Mais je participe à des concours, hein, surtout quand on pige. Hey, je suis tellement malchanceux, là. Ben, depuis quelque temps, en tout cas 2024, pour moi, là, c'est très néfaste. Mais, ça mis à part, je suis tellement malchanceux que lorsque j'étais étudiant au primaire, j'avais quoi, je sais pas, 10-11 ans, à la fin de l'année, on faisait tirer, je sais pas, on faisait tirer, je crois, 50$. C'était beaucoup à l'époque, là. 50$, ça équivaut peut-être à 200$ aujourd'hui. Et la professeure a eu cette idée extraordinaire. Le dernier nom qui restera dans le sac sera gagnant. Alors là, nous étions 32 étudiants. Et aujourd'hui, c'est une blague, là, 32 étudiants. Dans une classe, il y en a 18-19, c'est le gros max. Mais en tout cas, dans ce temps-là, il y en avait beaucoup. Parce que les gens peuplaient, et puis baisaient sans condom. Puis un peu partout, hein, à gauche, à droite, surtout à gauche. Et puis ça faisait des enfants. Ces enfants-là faisaient des enfants. Puis là, on vivait en campagne. Puis on pouvait sans progéniture avec nos semblables. Puis allez-y donc, en avant la musique. Puis zing à la zing, zing à la zing. Bing à la bing, zong, ding, bang. Zang, balé, zing, zing, zang. Alors on était 34. Je crois que la plus grosse classe au primaire ou au secondaire, c'était plutôt au primaire, peut-être même au secondaire, c'est 38-39. Et 38-39 étudiants pour un professeur. Imaginez la correction, c'était pas facile. C'était fait à la sauvette. Alors, c'est pour ça que j'ai eu des bonnes notes. Sinon, ah oui, c'est ça, donc... non, j'étais très bon à l'école. Mais plus au cégep et à l'université. Quand j'étais obligé d'étudier, j'avais aucun intérêt. Et au moment où on me faisait choisir, j'ai jamais voulu quitter hein, oui, ouais, ça prouve que j'ai quitté, hein. Moi, j'ai quitté mon institut. Non, mais j'ai jamais voulu quitter le milieu éducationnel, parce que je trouvais qu'il se passait des choses là-dedans. Surtout au cégep, on pouvait faire des... J'étais en création, je parle tout le temps de la création, j'étais pas en physique ou en chimie, j'étais en littérature, en cinéma, en photographie. Donc, on pouvait oser. Quand tu oses au cégep, ça coûte beaucoup moins cher que quand tu oses à l'université. Parce que si ton professeur t'aime pas à l'université, tu n'iras pas plus loin, il y aura échec et tu devras recommencer ton cours et ça peut être onéreux. Et c'est tellement vrai que l'école, à un moment donné, m'a troublé. Je fais encore des rêves parce que au cégep, j'étais un étudiant travailleur. À l'université, encore plus d'heures de travail pour pouvoir payer mes cours universitaires. Donc, j'étais tout le temps fatigué. Je te dis, là, j'allais... Ouais, je te le dis, moi. J'allais à l'école, j'étais épuisé. Le lundi, je terminais ma nuit parce que je travaillais de nuit. Toujours au coin de la 3 et de la 4, à côté de CKRL. Et là, je travaille plus là. Imaginez-vous que je travaille dans un endroit éloigné à Charlebourg, là, une épicerie de quartier. Et j'ai eu, aujourd'hui même, une menace de mort. Hey, t'es à l'autre bout, tu dis t'es pas dans l'endroit chaud de la ville de Québec, là, parce qu'il y a des lieux, je les nommerai pas parce que c'est rempli de préjugés. Mais dans ce petit bled là où il y a des personnes âgées, il peut avoir deux, trois grands fly moon, même pas des anarchistes, j'ai trop de respect pour les anarchistes, des va-nu-pieds, puis j'ai eu une menace à mort. En tout cas, j'étais encore là pour le moment. Non, mais le temps est compté, hein, pour chacun d'entre nous, pas juste pour moi, pour n'importe qui, pour toi aussi, là. tu m'écoutes, ton temps est compté. Merci de m'écouter parce que le temps est précieux. J'espère de te faire oublier tes embarras familiaux, l'école, bref, apaiser ta dure réalité qui attaque ton quotidien. Et pour nous envelopper... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Alors, à l'école, parce que là, on voit à gauche, à droite, mais surtout à gauche, j'étais... le professeur a dit, le dernier nom qui sortira du sac sera le gagnant. Ben là, je sais que c'est prévisible, mais c'est mon nom qui est arrivé. Quand elle a dit, là, elle regarde dans le fond du sac... « Ah, il ne me reste qu'un nom, hey, c'est moi! » Ben, on ne sait jamais, tu sais, mon nom aurait pu tomber à côté du sac. Moi, je suis tellement chanceux dans la vie. Ah oui, ah oui, ah oui. Et quand je me tartine, OK, je mets un pain tranché, une tranche de pain plutôt, dans le grille-pain. À un moment donné, ça lève, le grille-pain. Ah, moi, ça lève encore. Ah oui. Moi, je suis pas un grille-pain, mais ça lève. Et puis, là, tu tartines. Oh, là, tu accroches avec ton couteau ta tartine. Oh, elle fait ouh, ouh, ouh. Est-ce qu'elle tombe sur le plancher? Hein? Est-ce que le cramage tombe sur le plancher? Je pense que 95% des gens non, moi, oui. Ouais. À l'époque où il y avait des crottes de chiens partout, là, à Paris, là. Tu marchais, il y avait une crotte. À un moment donné, il y avait une belle crotte à côté de lui. Et puis, je mettais toujours le pied dans la merde. Et puis, c'est toujours resté. Hein. Toute ma vie, je mets les pieds dans la merde. Mais ça, c'est au sens figuré. Et non pas au sens propre. Alors, mon nom est sorti. J'ai eu 20$. C'est-tu 20$? 50$. Aujourd'hui, ça doit valoir 200$. Le salaire minimum est à 4$. Et puis aujourd'hui, c'est quoi? C'est rendu 15$. J'en devise 10. J'en prends 3. Elle m'en donne 2. J'en garde 1. L'impôt en prend 50. Donc, je dois à l'impôt sur ce gain-là de 50$. Je leur dois 17$. C'est ça, vivre en société, hein? Tu payes pour les autres. Ah oui, plus t'es flambeau, plus le travailleur paye. Plus t'es dans l'action, hein, dans l'action sociétale, dans l'action économique. Quand t'es en haut, hein, quand tu gravites un peu comme King Kong, les tours, la tour qu'on appelle l'argent. Plus t'es en haut, moins t'en payes. Plus t'es en bas, plus tu payes. Mais t'es un travailleur quand même. C'est épouvantable. Les banques ne payent même pas d'impôts. C'est notre argent, là, mais on ne paye pas d'impôts. On doit prendre notre petit bas de laine et le placer dans un petit compte caché. Là, un rire là, quand va venir le temps là, de quand on va être vieux, âgé, on peut vieux. On n'est pas vieux à 65 ans, mais bon, en tout cas, selon la convention sociétale, à 65 ans, tu es vieux. Donc, tu retires un peu ton argent que tu avais mis dans le bas de la banque et puis là, c'est là que tu payes des impôts sur de l'argent que tu as économisé pendant des années. Alors, le truc, c'est de pas tout prendre en même temps. C'est de prendre ça goutte par goutte, garnotte par garnotte. Oh, il te faut un petit pain tranché. Là, bon, je pense que je vais prendre 5$ de mon rire. Le pain est rendu à 22$, là, on est en 2063, là, hein, mon, qu'est-ce qu'ils ont mis, c'est plus de la farine que de la cocaïne. Eh, hey, c'est plus de la levure, on sait pas, c'est peut-être des amphétamines. Eh, hey, y en a-tu qui vont en manger du pain? Eh, hey, ça va-tu travailler, ce monde-là? C'est merveilleux, ça. Comme ça va enlever de l'argent aux pocheurs. Le gouvernement va faire plus d'argent, puis ça va aller dans le coffre de l'État. Êtes-vous pour la légalisation de la drogue, toute drogue confondue? Oui. Êtes-vous pour la légalisation de la prostitution? Oui. Je suis pour tout quand ça peut aller dans le coffre de l'État pour aider notre société à aller plus loin. Même si on fait du surplace. Thank you. des regards indiscrets. C'est l'amour. Ah, c'est l'amour. C'est l'amour en fuite. Avez-vous remarqué que maintenant, au mois d'avril, parce que là, nous sommes au mois d'avril, le 8 avril, lundi 8 avril, on sent que l'hiver commence à faire ses valises. Ah oui, j'en ai entendu parler, mais je l'ai même vu l'hiver. Là, il a pris son sac à dos parce que lui, les valises, c'est comme moi. Hein. Quand on voyage, on voyage pas à l'ancienne. On voyage comme des aventuriers. C'est sac à dos. Moi, quand je vois des gens avec, tu sais, la valise à roulette, là, que des amateurs, des faux bourgeois, la roulette à casse, puis ça fonctionne. Puis quand ça tombe dans le tourniquet, dans l'aéroport, là, ça va pouf! Tandis que moi, mon sac à dos, au début, avant de partir, c'est classique, mais à la fin, c'est bourré au maximum, tu sais, de bouteilles de vin, de disques. En plus, les 33 tours sont de retour, et puis il y a des artistes qui me remettent ça. J'ai des livres, plein de choses. J'ai même eu un tableau une peinture là, assez volumineuse que j'ai embarqué à bord. L'agent de bord n'a pas voulu. J'ai versé une larme. J'ai dit que l'artiste était décédé dans mes bras. C'est même pas vrai. Mais quand on touche à l'émotivité, quelquefois ça paye. Et moi, je n'ai pas payé un surplus. Non, mais on est comme des politiciens. On fait croire des affaires. On fait croire que la vie est belle. On fait croire que la terre est ronde. On fait croire que la vie vaut la peine d'être vécue. On fait croire ça à tout le monde. Le monde, en plus, il se réveille le lundi. Ils sont de bonne humeur. Le mardi, ils sont de bonne humeur. Mercredi, ils sont de bonne humeur. Jeudi, ils sont toute l'année parce qu'ils s'imaginent tout ça. Ils gobent ça comme si c'était des hamburgers. Puis, ah ouais, non. On dit des burgers, hein. On voit que je suis à l'ancienne là-dessus, hein? Ah, ou très, très à l'ancienne. Ah, plus ancien que moi, là. Ah, c'est... mon arrière-grand-père était plus avant-gardiste que moi. Ah, ben oui. Mais il disait des hamburgers, je pense, lui. Non, lui, il disait pas des hamburgers. Il essayait de l'inventer. Il disait un peu, là. Moi, là, je vais révolutionner l'art culinaire. J'ai deux tranches de pain qui m'ont pas coûté cher, que j'ai fait moi-même sous l'aisselle. Tourner ça en dessous du poêle. Ouais, non, c'est pas de la vinaigrette, ça. Non, puis c'est pas non plus des... Non, c'est pas des épices. C'est du poêle. Mais du poêle du gars qui a travaillé. Moi, je suis un bûcheron, moi. J'ai bûché toute ma vie. Mes enfants vont bûcher encore. Puis plus, ça, mes petits-enfants vont bûcher. Puis oui, bûcher à l'école. Bûcher dans leur... dans l'avenir. Bûcher dans l'amour. Bûcher partout. La vie est un... Oui, on devrait dire quelque chose, là. Mettre un néon. La vie... Non, l'existence est une vie de bûcheron. L'existence, si je donne les idées à des créateurs, l'existence est une vie de bûcheron. Pourquoi? Ben parce que pendant toute notre vie, on prend notre hache, sans la fumée, s'il vous plaît, on prend notre hache et devant le bois, devant un morceau de bois, devant un tronc de bois, on frappe dessus, on frappe dans tout, on frappe dans notre vie, on frappe dans dans nos études, on frappe dans nos amours, on frappe, mais pas frapper d'une manière violente, là. C'est-à-dire qu'on essaye de former quelque chose, de construire quelque chose, et quand on construit, ça demande beaucoup d'énergie, et l'énergie, ça donne de la sueur. C'est pour ça que mon pain a un goût, puis qui est rond. Petit patapon. Et puis là, j'ai du steak haché, parce que je suis toujours dans l'invention du hamburger. Pas du burger, de l'hamburger. Après ça, plus tard, on l'a embourgeoisé. Alors, c'est plus de hamburger, c'est du burger. OK, bien là, on n'est pas dans le but, on est dans le ham. Alors là, le pépère, lui, avait deux tranches de pain, mais c'était demi-lune de pain. Ouais, c'est comme si tu faisais un pain en fesse. C'est quoi l'histoire du pain en fesse? C'est qu'il est rond, puis avec un couteau, un truc tranchant, tu le prends dans le milieu, ça devient un pain belge ou un pain en fesse. Et puis, si tu veux recréer la réalité, là, tu mets du Nutella dans le milieu. C'est dégueulasse. Hein? Des cochons. Tu fais ce que tu veux. Une fois que tu l'as acheté, ton pain, là, tu peux jouer n'importe quoi. Tu peux en faire n'importe quoi. Faire un petit trou dedans. C'est ton histoire à toi. Tu peux le garder, tu peux le filmer, mettre ça sur les internets, faire rire de toi au bureau ou dans ton milieu de travail ou montrer ça à ton ex. C'est ta vie, tu n'en as qu'une et tu la tiens entre tes mains, entre tes bras, dans ta bouche, dans ton cœur, partout, dans ta violence, dans ton incompréhension, ça vient de partout, de ta sueur, c'est ça la vie. Pas quelque chose de facile, là. Mais ça peut l'être. Décrochage, décrocher, comme saut en bungee. T'es là. Une prairie. Il y a des monts. T'es sur un de ces monts-là. Là, t'es attaché, je ne sais pas si t'es attaché. Si tu veux pas t'attacher, il n'y a pas de problème, mais c'est un seul saut. Hein? Et le saut, c'est toi. Ah! Non. OK. Et puis là, t'es attaché. Et là, on te propose, parce qu'on te lance pas, là, on te propose de sauter, parce que le but, c'est de sauter. L'élastique va te retenir, normalement. Règle générale, ça brise pas. Sauf s'il y a usure, là. Je sais pas si t'as usé, on verra. On verra, lance-toi, on verra. Ça craque, on a des assurances. Ben, ouais, tu vas mourir. Non, tu reviendras pas. L'incarnation, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, l'incarnation. Du réincarnation, il y en a là-dessus, mais la réincarnation, non. Sauf ton oncle peut être réincarné, Carnot. Et moi, j'incarne souvent Elvis Presley. Ça n'a rien à voir non plus. Et puis, là, tu sautes en bungee. Il y en a qui aiment ça. Moi, c'est pas mon cas. Parce que... on dit ben il y a de l'adrénaline là-dedans, mais quand j'ouvre mon micro, j'ai de l'adrénaline. Il y en a qui vont me dire, ils vont analyser, hein. Ouais, mais il y a moins de millilitres d'adrénaline quand tu ouvres un micro que quand tu sautes en bungee. Attention, tu t'adresses à du monde, là. Quand tu sautes, toi, c'est juste pour toi. À part deux, trois personnes qui sont là, puis des gens en train de filmer, elle va peut-être mourir si on fait de l'argent avec ça. C'est pas un L, c'est pas une L, c'est un il. Ah, ben c'est sûr que si ça serait une aile, elle pourrait s'envoler, puis partir, puis hein, ça revenir comme un boomerang. Et puis, ben, c'est ça, moi, j'aime pas bien ça, sauter là-dessus. Mais je saute sur l'occasion pour faire un jeu de mots, une pirouette linguistique, une contrepétrie. Ouais, qu'est-ce que toi? Tout ce qui peut se rattacher à la langue française, à l'image, à l'iconicité, à tout ce qui est artistique, un poème, un texte. J'écris assez souvent depuis quelque temps parce que, comme je vous disais tantôt, le 2024, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Mais à un moment donné, beau être fort, là. Le reste du fort entre les deux oreilles, là, c'est de moins en moins fort. Quoique j'ai monté le volume. Hey, excusez-moi le hail, mais pardon, j'ai eu l'oreille bloquée. Ah, je vais vous expliquer. Ah, ça serait bien de vous... Ouais, je vais vous mettre au diapason dans quelques minutes. C'est quoi de le dire, OK? sais. Alors, l'histoire suivante est véridique. C'est arrivé en février pendant mes vacances. J'ai eu des vacances d'une semaine en hiver. Normalement, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à Paris. Mais là, cette année, comme j'avais trop de rencontres radiophoniques pour toute la saison, j'ai évité. J'aurais pu m'y présenter d'une manière anonyme, mais il y a toujours des artistes qui restent sur la rue des Abbesses ou dans le coin, puis quand je vais dans des cafés, on me voit. Donc, j'ai eu peur que on me dise sur Facebook, « Ah, je t'ai vu, blablabla. » Bon, après ça commence. « Pourquoi tu m'as pas appelé? » blablabla. Alors, comme j'ai pas voulu vexer personne et en même temps, je tenais à être honnête. Écoute, tu te présentes là en février 2024. Tu dis, « OK, moi, j'ai aucun problème. » là. Mais ce sera diffusé à la fin de l'année 2025. Bon, tu sais, ça plaît un peu moins. Mais là, quand je vais y retourner en juillet, tout est bien calibré. Les émissions seront de l'année. Exemple, si j'y vais, ben, c'est pas un exemple, j'y vais en juillet là, 2024. Alors, mes rencontres, j'en ferai pas beaucoup parce que mes rencontres seront diffusées à partir de la fin de l'année 2024. Parce que j'en ai fait beaucoup après la pandémie. Dû au fait que tout le monde voulait me rencontrer pour me parler de leur projet, de leur disque qui s'est ralenti, qui ne s'est pas fait, mais à cause. Mais quand il y a eu un relent et puis que tout le monde a pu sortir, ben bon, ça a donné une explosion de création, puis tout le monde a eu le bec par terre parce que il n'y avait personne dans les salles. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, cette année, ben, j'ai été en vacances en février. Bon, j'ai rien glandé. J'ai fait un peu de ménage chez moi, mais juste un peu. Mais j'ai classé mes DVD, j'ai fait des émissions de radio parce que mes émissions sont enregistrées, blablabla, tout allait bien. Jusqu'au moment où je me suis couché, un mardi, je pourrais même vous dire la date. Attendez, vous pouvez jaser entre vous, ma souris va pas très bien. Non, mon rat non plus. Mon rat de chevet. Le 5, on a dit mercredi 7, mercredi 14, 7, ok, le 7, je m'en vais me coucher, on est le mardi 6 février, je me couche et j'ai toujours des bouchons depuis 30 ans, depuis que je travaille, tu sais, j'ai déjà, vous le savez, je vous l'ai dit tantôt, là, un ancien travailleur de nuit. Je tiens à dire à tout le monde, là, rassurez-vous, je retournerai travailler de nuit. Dans une accommodation, sans doute une station-service, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accommodations qui sont ouvertes la nuit. Et bientôt, très bientôt, et je vais faire 3 jours/semaine, ben 3 nuits/semaine, tu vois, c'est pas les jours, c'est 3 nuits/semaine, pour me préparer, je n'en parlais tantôt, là, à ma retraite. Et ça va se faire très bientôt. Puis en plus, les salaires sont quand même assez intéressants, dû au fait qu'il n'y a personne qui veut se présenter là. Moi, j'ai 30 ans de service. J'espère que quand je frappe à la porte, on va m'ouvrir et me tirer par le collet pour me faire entrer dans l'entreprise. Viens-t'en, on a besoin de toi. Et je me fais des histoires, peut-être. Je sais des histoires. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est que le 6, je me couche le 6, peut-être même le 7, parce que c'était la nuit du 6 au 7, et je me mets des bouchons. Et il y en a un de l'oreille gauche que j'entre, mais c'était un vieux bouchon. T'sais, j'avais trouvé à terre, mais comme il faisait noir, je ne vais pas dire que ma chambre s'est jonchée de bouchons, mais il y en a 2-3 qui sont perdus dans l'espace. Donc, j'ai pris le premier, j'ai rentré ça, mais il est tellement petit, mais, parce qu'à force d'user, hein, la cire, ça donne moins de texture au bouchon. Et puis là, j'essaie de me le rentrer dans l'oreille. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des gens qui ricanent ici. Madame Tremblay, pourquoi vous ricanez? Baissez les yeux. Courbez la tête. Restez ainsi pendant 2 secondes. Ne souriez pas, ne riez pas. Vous êtes puni. Donc, à cause de cela, vous n'avez pas le droit de rire pendant les 2 premières minutes, mais c'est pas drôle ce qui va arriver. Là. Je me rends ça dans l'oreille, et tellement profondément qu'il reste coincé juste à côté du tympan. Et là, je dis, non, là, j'entendais plus rien, c'était bouché bien dur. Hein? Comme on dit chez nous, c'était bouché bien dur. Et là, je dis, non, le lendemain, je me réveille, bouché bien dur de l'oreille gauche. J'entendais bien de l'oreille droite. Et je demande à quelqu'un de vérifier. Peux-tu l'enlever? Tu sais, je veux une petite pince. Peux-tu l'enlever? Et la personne dit, ben, je vois pas de bouchon. Bon, ben là, je vais aller au CLSC. Ouais, c'est ça, CLSC. Mais comme je suis quand même assez lunaire, je disais pas dans ma tête CLSC. Je disais CSST. Mais la CSST puis le CLSC, c'est pas la même chose. La CSST, c'est pour venir en aide aux travailleurs, tout ça. Mais le CLSC, c'est comme un hôpital, mais un hôpital du coin. Tu sais, un endroit où on te loge pas. Tu sais, tu vas pas habiter. Tu seras pas malade, puis on va dire, ben écoutez, on va vous trouver une chambre au CLSC. Non, non, non, ça, non. Mais, pour te faire soigner, il y a des super infirmières, il y a des infirmières, super infirmières, il y a des concierges, des super concierges, des secrétaires, des super secrétaires, ils sont tous super là-dedans. Et pas super, mais moi, j'ai eu, écoutez, la perle de la perle, et là, je vais la voir, je dis, bon, je crois l'avoir coincé un bouchon dans mon oreille, bon, là, elle vérifie. Elle dit, attendez un peu, là, elle s'en va. Je dis, oh non, c'est pas vrai, c'est plus grave que je pensais. Ils vont être obligés de me dévisser l'oreille, puis la passer en dessous de l'eau, puis me la remettre. Comment ça peut... Hein? Ils font pas d'opération ici. Ah, oh, bon, toute ma vie de radiophonique est finie. En plus, moi, je voulais m'acheter des écouteurs, mais 3D, mais pas pour jouer à des jeux, exemple, quand je regarde un film, si c'est 5.1 Dolby, ça joue là, de tous côtés pour pas déranger les gens qui habitent en haut de moi. Et puis là, je me dis, oh non, c'est pas vrai, je me suis équipé en plus d'un beau système maison depuis des années, puis je l'aime bien ce système-là, puis bon, non, j'ai juste une oreille, oh mon Dieu, oh là là là, là je prenais un petit, comment t'appelles ça, un petit fouet, puis là, je me flagellais le dos, oh non, et puis là, elle arrive, mais non, c'était une autre super infirmière, donc j'avais deux super infirmières, là, vérifier, elle dit, bonjour monsieur, parce que j'avais une barbe mal taillée. Et elle regarde dans l'oreille. Et là, elle parle à l'autre. Oh, oui, c'est vraiment congestionné. Une discussion. Là. Il s'en va à l'extérieur. Oh mon Dieu, Seigneur, quand ça parle de même, oh, c'est inquiétant. Ils vont me dire que je serai sourd d'une oreille. Puis là, c'est sans doute les ragots, là. Monsieur pratique trop les relations solitaires. C'est pour ça qu'il est presque sourd. Mon doux, que Dieu le bénisse. Mettons de l'eau bénite dans cette oreille-là. La, la, la, la, la, la, la. J'ai dit, oh mon doux. Je pourrais pas entendre la musique de la même manière. J'allais voir un spectacle de Charles, oui, de Fred Pellerin dans quelques semaines. Enfin, c'est en février, non? J'allais voir ça en février. Ah mon Dieu, ma vie foutue. Oh, je suis condamné au mono. Moi qui étais stéréo Dolby Digital, ah oui, prise USB de partout, ah, tu peux me brancher de partout maintenant. Et puis là, elle m'a dit non, elle dit il n'y a pas de bouchon là-dedans. Mais elle dit c'est bien congestionné. Alors là, elle me dit quoi faire, de l'huile, blablabla. J'ai dit ouais, mais il existe aussi un genre de produit, parce que quand tu mets ce produit-là, ça fait crac dans ton oreille, crac, tandis que quand tu mets de l'huile, ça fait rien. On dirait que ça ne travaille pas. Je dirais pas comme qui, là, mais on dirait que ça travaille pas. Tu sais, t'as des gens, tu travailles, toi, t'as un emploi. Toi, tu travailles beaucoup, mais il y a des gens à côté de toi qui travaillent pas. C'est pour ça que tu travailles beaucoup. Alors, moi, ça me fait penser à ça. Quand je mets de l'huile, c'est comme les gens qui travaillent avec moi qui travaillent pas beaucoup. Tandis que quand je mets l'autre, ça fait... Oh, mais là, mon Dieu, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que j'ai mis moitié huile, puis moitié produit, là, sans doute chimique, puis qui dérange pas l'oreille. Ah non. Quand tu bois de l'eau, ça dégoule pas de partout. Non, tout est correct. Là. Ça a été vérifié par le gouvernement provincial, fédéral, universel. Le gouvernement universel, là, lui, là, il est à la fine pointe. Il veut pas déranger la croûte terrestre. Il veut que tout le monde soit heureux. Puis, il amène la dictature entre les deux. Hey, la dictature, c'est eux autres. C'est la politique universelle. On est surveillés de partout. Ah oui, on est surveillés de partout. Les oreilles ont des orteils, puis les orteils ont des oreilles. Ah oui. Regarde avec tes yeux, puis touche avec tes mains, puis parle avec ta bouche. Mais surtout, parle pas avec ta bouche d'égout. Mais c'est pas ça le gag. Il n'y en a pas de gag là-dedans, c'est une histoire. Fait que là, la dame, elle me dit, là, tu fais ça, puis vous faites ça, puis venez me rencontrer lundi ou mardi. Oh non, j'ai dit, moi, c'est juste le samedi, dimanche, parce que la semaine, je travaille. Ouais, mais vous travaillez pas, ouais, mais je travaille. Je travaille très, très tard le soir. Hein. Elle dit, ben écoutez, moi, c'est une fin de semaine sur trois, je travaille des fins de semaine. Ah! Elle dit, on se voit, parce que là, ça tombait sur sa fin de semaine. Elle dit, on se voit la semaine prochaine. Puis, parfait, ça, parfait, parce qu'on était mercredi. Elle dit, là, vous faites ça deux fois par jour. Mais là, je faisais ça trois fois, moi, très correctement. Je restais plus longtemps du côté gauche, hein, pour que, j'appuyais ma tête du côté droit pour que le côté, c'était, quel côté, mon oreille, madame? C'est ça, c'était le gauche, OK. Fait que là, je me penchais pour que ça serve plus longtemps, là. Et puis là, après ça, je prenais la douche téléphone, j'appelais, « Allô, il n'y a personne au bout du fil, mais il y a de l'eau en tabarnouche. Allô, j'ai goutte de partout. Ah, mon Dieu, Seigneur, je suis en train de me noyer! » Et puis là, ça coulait. Fait que je remettais du... Puis là, je m'en vais voir ma super infirmière qui était super. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, avec une cape. Elle rentre avec une cape. Je suis la super infirmière. Puis là, elle me regarde l'oreille. Elle dit, oh, vous aviez bien travaillé. Ça a l'air d'être mou, hein? Ah oui, c'est mou. Elle a été chercher le truc, là, puis l'eau chaude. Elle dit, si c'est trop chaud, vous me le dites, mais vous pouvez être étourdi. Hey, moi, étourdi. Voyons donc, toi. Je suis jamais étourdi, moi. La terre tourne, je suis pas étourdi. Je suis étourdi. Tu sais, l'expression, là, tu me saoules, là. Quand quelqu'un parle trop pour rien dire, là, c'est sûr, ça m'étourdit vraiment dans le sens propre. Pas dans le sens figuré, ça m'étourdit. Là, je commence à... Oh, moi, là, je vais m'en aller, là. Oh, papa, puis Barton, la mère... Bon. Et puis, là, est-ce que c'est trop chaud? Non, c'est jamais trop chaud. Ah non, faut pas mettre ça, là, faites bouillir ça dans le micro-ondes, là, ça me dérange pas. Elle dit, ben non, on veut pas vous faire cuire le tympan. Ouais, je veux pas entendre aussi les pompiers, mais tympan, en pleine nuit, une sirène, tympan, amen, oublie tout. Fait que là, elle me fait le travail, ça prend trois cuves, là, tu sais, ben des cuves. Ça a pris à peu près 20 minutes. Puis là, la dernière fois, ça fait... Puis là, quand j'ai entendu un peu, ça sonnait comme une canne que tu venais d'ouvrir, OK? Un peu comme un bonhomme à caca. Ouais. C'est le bonhomme qu'on avait. Mais c'était pire que ça. Entendez-vous? C'était un peu comme ça, mais c'était assez troublant. Puis là, c'est revenu. Elle m'a dit, c'est normal. Parce que là, c'est tombé. Tout près du tympan. Mais là, c'est engorgé d'eau. Hein, le canal est engorgé d'eau. Mais avec le temps, 2 jours maximum, vous allez entendre normalement. Mais ça n'a même pas pris 48 heures. Ça a pris à peine 8 heures en fin de soirée. Mon oreille était à 80%. Et aujourd'hui, ben écoutez, j'entends tout. Même si personne parle, j'entends! Got to keep the fire burning. I believe it, and I believe you're receiving it. I believe it, and I believe you're receiving it. I believe it, and I believe you're receiving it. Because you're trusting and you're believing. Because you're trusting and you're believing. Because you're trusting and you're believing. Because you're trusting and you're believing. Because you're trusting and you're believing. Because you're trusting and you're believing. Because you're trusting and you're believing. Because you're trusting and you're believing. Because you're trusting and you're believing. One, two, three, four. I believe it. Vous êtes à l'émission Errance Rénaldienne. Up from the electric sea, and a ship waiting there for you and me. We're sending a message to outer space to prevent destruction of the human race. Where did we come from? Where will we go? If from the stars we are, there's only one way to know. Let's go. Let's go to Thank you. Aujourd'hui, je reçois l'auteur, compositrice et interprète, l'incontournable et l'incroyable Catel. À toi l'artiste! Excellent, ça enchanté. Va bien? Ça va bien? Excellent, oui. Là, j'ai essayé de me brancher là, sur le site ici, là, puis ça ne fonctionnait pas très bien. Bon, très heureux de te voir. Ben, merci à toi de t'intéresser comme ça. Ben, écoute, il y a beaucoup de chanteuses, beaucoup de chanteurs. Ouais. L'intérêt, c'est de les présenter au public. Mm-hmm. Donc, c'est d'aller frapper aux portes et d'attendre que la porte s'ouvre. Sinon, sinon, c'est vrai que ça ne se fait pas. Mm-hmm. Non, effectivement. Mm-hmm. Moi, je t'ai connu via des amis Facebook, chanteurs-chanteuses. Ouais. Et je sais que tu as sorti un album il n'y a vraiment pas très longtemps. Ouais, en 2020. Après la 21, voilà. Je l'ai écrit en confinement et okay. Du coup. Tu l'as sorti il pendant est sorti. Non, juste après, l'année d'après, c'est-à-dire en avril 2021. Mais okay. Bon, on n'était pas sorti du. C'était pas une bonne idée. Non, mais. Et t'as... en même temps, j'avais pas envie d'attendre. J'en peux plus, moi. Bah parce que ces trucs de tu fais de la musique, puis après t'attends 2 ans, t'as écrit des choses, tu les as faites il y a 2 ans, puis tu dois aller. Pff, à un moment, j'avais envie que ça existe, parce qu'en plus c'était très lié, le contenu du disque aussi était très lié à une période, enfin voilà, avec une période de. d'ailleurs qui revient bien là sur notamment les violences policières en France. Il y a beaucoup de choses qui parlent de ça dans le disque. Et ceci dit, j'aurais pu le sortir maintenant. Ça. Non, mais il y avait déjà les gilets jaunes à l'époque. Oui, voilà. C'est vrai. En fait, le confinement a arrêté complètement toutes les luttes sociales. C'est comme s'il y avait eu, tu sais, un virus, mais ça n'est pas. Ouais, c'est ça. Mais comme ça, on a maîtrisé un peu plus le genre humain, donc c'était plus facile. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Du coup, bon, ben, c'est sûr que ça a remis tout sous la même coupe de « on a un ennemi commun, youpi, pouvoir… » Planétaire, ouais. Voilà. Et sauf que, bon, ben, là, on voit bien que ça ne tient pas longtemps. Non. Là, c'est… Je t'avoue que là, c'est très dur, là, ce qui se passe là tout de suite. Ouais. L'actualité, Ah ouais, c'est vraiment, on est quand même dans un pays, censé être dans une démocratie, mais on est quand même dans un pays, moi j'ai peur des flics, en France, j'ai peur de la police, quand je croise des jeunes gars qui ont l'air complètement débiles et qui ont des mitraillettes à la main, sous prétexte de je sais pas quoi, d'attentats, je me sens dans un truc d'insécurité, bien plus qu'avec les bandes de jeunes soi-disant dangereuses qui sont en bas de chez moi et qui font que tchatcher et être... Tu vas le revendiquer quand même. Ouais. Bah là, il y a une colère très justifiée, quoi. Mais tes chansons sont un peu plus sur l'actualité, sur ce qui se passe dans la vie et dans ta vie? Les deux, parce que je crois toujours que les deux sont mêlés, quoi. Les choix qu'on fait dans notre vie intime et les choix qu'on fait et ce qu'on vit dans le monde sont liés, quoi. Je crois à ça, quoi. Donc, c'est vrai que si je chante une chanson intime comme « La nuit est mon arène » sur mon dernier album, qui parle de sentir son appartenance intime au monde des perdants, ou en tout cas son lien fort avec, c'est un truc d'intimité qui est lié à mon rapport à la nuit. Ouais. Mais par contre, ça dit quelque chose du monde aussi. Et en tout cas, j'ai pas envie de faire... J'ai jamais fait des chansons sur mes petites tribulations intimes. Ça m'a jamais intéressé. Lorsque tu as commencé à chanter, est-ce que dans ta famille, on jouait d'un instrument? Est-ce qu'on était intéressé par la musique? C'était la seule... Non, mon père est très, très mélomane. Il a des facilités dans à peu près tous les instruments. Mes parents chantaient beaucoup ensemble, en harmonie, des choses comme ça. Il y avait énormément de disques à la maison. Il écoutait beaucoup de disques. Mon père était vraiment très mélomane. Ma mère aussi, d'ailleurs. Et j'ai eu la chance quand même de grandir dans de la super musique, que ce soit du classique au jazz, en passant par du rock. Ils étaient aussi fans de Led Zeppelin, Nina Hagen, Pink Floyd. Donc des choses assez... Disons qu'ils n'ont pas pris le virage des années 80. C'est-à-dire que mon père, étant très fan de musique, quand même assez virtuose, malgré tout. Avait pas sa place. Voilà, on va dire que c'était pas le côté New Wave et synthé aussi, c'était pas trop son truc. Et il est plus revenu plus récemment à écouter des choses comme ça, finalement. Mais à l'époque, voilà, on est passé à côté de ça. Et moi, par contre, j'étais bien dans mon époque pour ce qui était Michael Jackson, Prince. Moi, j'étais très fan de soul. De musique black américaine assez vite, et ça c'était pas un truc du tout que mon père, si Otis Redding il aimait beaucoup, mais sinon le côté en plus showbiz de Jackson, Prince, tout ça, il était allergique, hein, du coup, hyper star, voilà, ça c'était, voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose qui était pas très compatible avec cet esprit années 60-70 d'où il venait, où c'est vrai que même les stars comme les Beatles, c'était pas, ils ont jamais joué sur ce côté star. C'est vraiment quelque chose de, et ça l'est toujours d'ailleurs. Les Rolling Stones aussi, mais eux autres ont été victimes un peu de leur. Ouais, les Stones, ils ont le truc de Jagger qui joue quand même sur un truc un peu sexy, tout ça. Il y a quand même, mais après moi j'ai toujours vu ces personnages d'hyperstars comme Jackson plus proche de Bowie, c'est-à-dire des gens qui transforment, des gens qui. retour et reviens au même point, repars du même point. Tourner ton comme un derviche, leur spleen c'est de la triche. Regarde-les là-bas, qui se regardent en soi, et puis qui quand l'alarme sonne, parle de vie monotone. Justement ne sont pas sur leur intimité mais sont sur un personnage voilà presque un monstre quoi, voilà presque un monstre. Bon, dans le cas de Michael Jackson en plus c'est ça va très loin sur le monstre, mais mais en tout cas il en dit quelque chose, ça c'est sûr. Il y avait un peu de la musique, donc tu l'as eu dès le départ, donc l'inspiration venait de partout. Ouais, mais par contre, quand j'ai dit que je voulais faire de la musique, c'était pas ouais, trop... c'est ça, je voulais en venir. Bonjour. Moi, je vais prendre un café allongé, s'il vous plaît, avec un verre d'eau. Moi, je vais prendre un jus d'orange avec un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Alors, lorsque tu as annoncé à tes parents ce moment... Il devait s'en douter, quand même, là, c'était pas... En fait, le truc, c'est que moi, j'ai fait donc 3 ans de solfège, de la flûte traversière, ouais. Après, j'ai abandonné la musique, l'enseignement en France de la musique, il est quand même assez écœurant, il est vraiment... c'est difficile de s'accrocher, quoi. On est obligé de faire 2 ans de solfège avant d'avoir le droit de toucher un instrument. Le solfège n'est pas du tout lié à la musique, mais c'est genre un truc complètement détaché d'une émotion musicale. On fait pas du tout d'harmonie, on fait pas... Bon, bref, c'est très rébarbatif. Donc j'ai arrêté la musique, l'enseignement musical. Et mes parents m'avaient dit, mais non, mais n'arrête pas, tu vas regretter. Et j'ai dit, mais je vous jure que je ferai jamais de musique. Et puis donc, arrivé au lycée, mon premier truc, c'était vraiment l'écriture. J'écrivais beaucoup, Un journal, peut-être Pas un journal, vraiment de la poésie. J'étais fan absolu d'Arthur Rimbaud. C'est ma première superstar, c'était Arthur Rimbaud. Oui. Donc je passais mon temps à lire Rimbaud et je voulais écrire de la poésie. Donc j'écrivais beaucoup. Sachant que l'écriture, c'est pas quelque chose à l'adolescence qui nous met en phase forcément avec les autres. Et c'est vrai que je commençais un petit peu à me sentir extérieur, on va dire. Et puis j'ai rencontré Elodie, qui est une artiste qui s'appelle Sky aujourd'hui, et qui elle était à fond dans la musique, qui chantait, qui faisait déjà des petits concerts. Son père, lui, par contre, avait très envie d'avoir une star dans la famille. Et puis du coup, quand on s'est rencontrés, un jour, je me suis mise à chanter sur un disque qu'on passait, et elle m'a dit non mais attends, faut qu'on chante ensemble, quoi. Et on a commencé à faire un groupe, et puis là, du coup, j'ai découvert vraiment, après on a rencontré d'autres gens qui faisaient de la musique, on a commencé à faire des groupes, et puis à mes 18 ans, je me suis mise à faire beaucoup de musique, tout en commençant mes études à la fac de lettres. Et, lettres et poésie, c'est quand même... C'est quand même très lié. Ça embrase beaucoup de choses. Ouais, mais aujourd'hui, ça me sert beaucoup encore, c'est certain, quoi. Et on a fait donc toute cette période où on a commencé par faire des reprises, puis ensuite on a composé, puis ça marchait vraiment bien, en anglais évidemment, le point de départ. On a signé sur maison de disques, mais avant ça, donc du coup, moi j'avais dit à mes parents que j'allais pas passer mon DUG, parce qu'en fait, donc mon DUG qui était le premier examen de l'université, j'ai fait vraiment le choix de me fermer d'autres possibilités pour être sûre de m'engager dans la musique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je savais que si jamais, comme me le conseillaient mes parents, je poursuis mes études pour avoir mon diplôme de professeur de français, pour assurer les arrières. Moi, j'ai décidé, sans plan B, on est obligé de s'en tenir au plan A. Si tu veux te consacrer entièrement, si tu veux évoluer rapidement, il faut épurer. Exactement. Donc je pense que ça leur a un peu fait peur au début, certainement à juste titre, maintenant que je suis moi-même de l'autre côté, avoir un ado, etc. Ils voyaient bien que j'avais pas encore écrit mes propres chansons, que tout tenait aussi aux relations d'amitié qui faisaient que ma vie musicale professionnelle était possible. Mais si du jour au lendemain ça explosait, qu'est-ce que j'aurais fait puisque j'avais pas encore écrit de chansons. Et puis j'ai commencé à écrire des chansons. Et puis quand le groupe s'est séparé, moi j'ai passé un an pour peaufiner ce qui allait être donc Catel, mon projet Alors t'avais solo. Alors tu avais déjà du matériel. J'avais déjà commencé à écrire des chansons dans ce groupe, mais là je suis partie vraiment complètement sur autre chose. C'est-à-dire que ce groupe dans lequel on avait deux personnalités très fortes, plus j'écrivais, plus les chansons étaient différentes. Et plus ça nous a semblé très naturel de suivre nos chemins respectifs. Et puis moi j'ai radicalisé, on va dire, le geste qui était quand même un geste de quand on écrit pour un groupe, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a quand même l'idée de faire un chemin. Et donc ce chemin n'étant plus à emprunter, j'ai plus vraiment me consacrer à une écriture plus personnelle, dans laquelle plus introspective. Voilà, exactement. Et puis qui effectivement ne tenait pas compte de ce qu'aimaient les autres, de ce qu'aimaient jouer les autres, de ce que savaient jouer les autres, de ce que pouvaient chanter les autres. Et il se trouve que sur ce chemin-là, assez vite, je me suis enfermée un an pour écrire. J'avais mon intermittence du spectacle, on a ce petit bijou en France. C'est unique. Voilà, hein. Assez unique, absolument. Au Québec, ça n'existe pas. Hein. Exactement. Les artistes créent. Ah ouais. Ah bah c'est ils sûr. Ils ont un plan B. Hein. Ah ouais. Ils sont des cuisiniers, des serveurs. Bien sûr, des serveurs. C'est vrai, c'est épouvantable. Ouais. Et c'est vrai que là, je savais que par contre qu'au bout d'un an, j'aurais plus rien. Je serais obligée de passer sur un plan B. Voilà. Ouais. Mais j'ai décidé du coup je me suis dit tant pis, j'aurai un plan B au bout, mais ce temps consacré, je vais vraiment creuser quelque chose là pendant 12 mois à fond. Donc pendant 12 mois, tous les jours, je me suis mise. Va travailler. Exactement. Exactement. Et du coup, je suis allée, je pense, loin dans ce que j'avais envie de faire. Je suis ressortie avec un répertoire qui pour moi était très proche de moi. Et ça, c'était à Paris, et je suis retournée vivre en province, à Caen, en Normandie, parce que je savais très bien que, par contre, Paris, pour jouer de la musique, pour répéter de la musique, c'est tout à fait inabordable. Et puis, du coup, il fallait que je passe à mon plan B. Ouais, ouais. Et donc, j'étais ce qu'on appelle. Comment ça s'appelle on disait pion avant, dans les lycées, qui s'occupaient des. Je sais plus comment ça s'appelle. Assistant d'éducation. Pour aider les gens qui ont en difficulté. Non, pas du tout. Okay. C'était dans les lycées, c'est les pions, c'est les gens qui gardent les élèves pendant la récré. Ah oui, okay, qui, superviseur. Voilà. Okay. Superviseur. Et du coup, j'étais dans un lycée qui avait un internat, donc c'était assez chouette parce qu'il me suffisait d'aller dormir trois nuits pour remplir mon contrat. Donc j'étais payée pour dormir, ça me plaisait pas mal. Ce qui me laissait tout le reste du temps pour travailler et faire des concerts. Par la place que tu prends un cran, rends-toi compte. Qu'une averse tombe ou qu'une ombre se pose en dose prise au soleil de la veille à ce matin qui s'ouvre au réveil, me voilà en amour et te voici pareil. Que tu prends un cran, rends-toi compte qu'avant que l'orage gronde ou que la lune blonde se fonde au sommeil de la veille à ce jour qui entoure le réveil, te voilà. Thank you. et quand j'ai fait ces concerts, d'abord en groupe, puis pour des raisons de vie, je me suis séparée du groupe et j'ai continué en solo, juste guitare-voix. Et en faisant une première partie un jour de Jan Tiersen, Jan Tiersen, je le voyais comme ça, qui tournait dans la salle de concert pendant que je faisais ma balance. Tout le concert, je l'avais sur mon côté droit en train de regarder. Et puis à la fin du concert, il m'a demandé une démo. Et puis 15 jours après, je partais en tournée avec lui dans le tourbus en France, en Espagne. Avec lui, j'étais en première partie du coup. Et il m'a présenté à toute son équipe, sa manageuse, son éditrice. J'ai signé chez Warner. Voilà, donc c'est vraiment via Jan Tiersen que... Alors, il y a eu un coup de cœur, il a voulu le partager à tout le monde. Exactement. Ce qui est très beau, parce que ça c'est en 2005, okay. Donc ça remonte un petit peu quand même. J'ai fait un duo avec lui, il a vraiment eu cette... Et je pense que j'ai pas été la seule dans sa carrière à lui à être aidée. Aujourd'hui encore, d'ailleurs il a monté des studios, on se voit plus parce qu'il habite au fin fond de la Bretagne. Mais c'est quelqu'un qui en tout cas dans son rôle d'artiste potentiellement influent, a toujours eu à cœur de découvrir d'autres gens. Et voilà, j'ai eu la chance d'en bénéficier. Il se souvient aussi d'où il a parti pour arriver là, donc comme là aujourd'hui il a une chance incroyable. Exactement. Mais c'est pas si souvent que, en vérité, que les artistes ont toujours cette chose en tête de se dire je peux faire quelque chose de mon pouvoir, parce qu'il y en a un. Et les artistes ayant un rapport un peu ambigu au pouvoir et détestent ça, et donc ils font semblant de ne pas en avoir, mais en fait ils en ont énormément sur plein de décisions, sur le prix des billets, sur le prix de vente de leur... C'est vrai que je suis parfois un petit peu fâchée sur l'attitude des artistes, ouais. De ceux qui sont bien ancrés. Exactement, ouais. parce que aujourd'hui on a par exemple plein de difficultés en France sur les tarifs des billets, sur le fait que beaucoup de festivals se retrouvent en difficulté parce que le prix des concerts augmente énormément. Et c'est peut-être le truc des tourneurs, mais c'est aussi les artistes qui demandent des cachets délirants. Ouais. Et ils font comme si en fait le prix de leur cachet n'annulait pas le cachet d'autres. Alors que j'ai quand même lu par exemple un directeur de festival qui disait qu'il allait annuler entre 15 et 20 concerts qui lui coûtaient entre 2 et 3 000 euros pour pouvoir payer des têtes d'affiche. Donc en fait, il y a quand même cette responsabilité aujourd'hui. Moi, j'ai cette façon pyramidale, en fait, ça ruisselle pas du tout. La pyramide, elle est à l'envers. Elle a quelqu'un qui a le gros truc, puis il reste plus rien au bout. Et la diversité en prend pour son grade. Je pense que les artistes riches et célèbres sont responsables aussi. Il n'y a pas qu'eux, mais ils sont responsables de ça, ils pourraient changer les choses. En même temps, ils sont inébranlables. Voilà. Et l'argument, évidemment, c'est l'argument capitaliste de dire « bah oui, mais c'est eux qui font rentrer les billets ». Bah oui, mais en fait, si on attend tout ce qui fait 80 ans, la relève, elle se fait aussi avec des gens qui, aujourd'hui, coûtent 2000 euros et ramènent 3 personnes, mais qui demain seront... Et si eux ne peuvent pas avoir de visibilité, ça va s'épuiser. Voilà. C'est sûr qu'il y a quelque chose de très politique derrière ça aussi. Tout est politique. Voilà, tout est politique, je suis bien d'accord. Faut pas l'oublier. Lorsque tu regardes tes chansons depuis la première jusqu'à maintenant, est-ce que tu sens une évolution ou une manière de raconter qui s'est peaufinée ou qui s'est transformée? Oui. Ben ça, c'est sûr que la forme... Je crois que dans le fond, il y a vraiment quelque chose qui me tient depuis le début. Mais dans la forme, il y a une évolution harmonique, il y a une évolution dans les textes. Quelque chose au départ qui était par exemple très, très écrit, mais très littéraire. Peut-être trop littéraire. Beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup de langage, beaucoup de vocabulaire. Je tends aujourd'hui à dire plus avec moins. Voilà. Et puis, musicalement, je dirais que c'est... Il y a des fluctuations, c'est-à-dire que j'ai fait 4 albums, j'ai l'impression qu'il y a 2 albums que je qualifierais d'une forme de monochrome, si j'étais peintre, c'est-à-dire qu'ils ont la tenue d'un son et d'une ligne esthétique du début à la fin, un album très rock pour Red à la Ville, le premier, et puis un album de chœur très, très intérieur, de chœur et de clavier pour Elegie, le troisième. Et c'est 1/2, les Décorum et le dernier, Mutant Merveille, sont très pop et vont explorer de manière, pour moi, joyeuse, qui appartient à la pop, mais qui peut paraître décousue d'un autre côté, ou en tout cas qui peut paraître... Télérama avait dit, on dirait que c'est n'importe quoi, mais en fait, non. Oh, avec Léo, ça frappe au début, mais il récupère vers la fin. C'est ça, parce qu'effectivement, sur mon dernier album, on commence par un morceau qui fait un très trip-hop dark. Ensuite, ça s'enchaîne avec un morceau qui ressemble à un pop des années 60, faussement naïve, qui est pourtant très politique. Ensuite, il y a un morceau de Maloya. Bon, mais pour moi, il y a une ligne... Et surtout, il y a un fil conducteur qui est l'écriture harmonique, qui est la mélodie, qui est ma voix, et qui sont mes textes. Après, c'est certain que ce truc, oui, de la forme, je pourrais pas, par exemple, après mon premier album, on m'a dit surtout, faut que le deuxième ressemble au premier, parce que si tu veux creuser un sillon, c'est obligé. Et puis, je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait parce que je peux pas, enfin j'ai pas envie de creuser un sillon en fait. Je suis pas là pour, justement, je respecte beaucoup l'artisanat, qui pour moi est exactement ça, pour finir un geste, et je trouve ça magnifique, mais l'art pour moi c'est l'inverse. C'est d'aller plus loin aussi. Oui, puis c'est de me remettre en cause, c'est de m'auto... C'est pas de faire aussi ce que t'as déjà fait. Exactement. Mais les gens attendent ça, c'est ça qui t'éprouve à faire. Bah oui, j'imagine, mais voilà. En tout cas, moi j'ai jamais eu de plan de carrière à ce niveau-là. Ce qui compte pour moi, c'est de creuser. Là par exemple, je viens de découvrir le fait d'écrire sur partition, d'écrire de la musique, chose que j'ai jamais fait. Et là, ça m'ouvre de nouveau des champs que j'ai évidemment explorés, alors que, évidemment, n'ayant jamais écrit, c'est laborieux pour moi. Et en même temps, ça m'ouvre tellement un champ nouveau que ça m'intéresse plus que de pousser, par exemple, la production pour laquelle je suis arrivée à une certaine dextérité. Et voilà, j'ai envie plutôt de... J'ai besoin, en fait, à chaque fois que je reprends un travail, de mettre dans une forme de fragilité. Et de non-connaissance des choses. De te remettre comme un funambule. Voilà, exactement. Parce que mon bagage, de toute façon, je l'ai. On progresse toujours. Oui, il y a des choses que je connais mieux, il y a des choses que je maîtrise mieux. Mais c'est pas là-dessus. J'ai pas envie de m'appuyer sur des choses. J'ai envie, au contraire, d'explorer. Voilà. Avec les risques que ça comporte, les risques de se planter. Mais si c'est pas pour ça, alors je vois pas pourquoi je fais. Quel est l'intérêt de faire de la musique? À peine sorti de la nuit, à peine né d'hier, c'est la guerre. Attends demain, tu verras bien qui gagne ou qui perd. De la dernière pluie de la nuit, nous sommes tombés tous deux amoureuses. Attends le jour où cet amour ne sera plus un jeu. Attends où va-t-on, mais ne pleure pas. Attends où va-t-on, loin de moi. Attends, ou alors attends-moi. À peine sorti de la nuit, que tu parles sans rire de mourir. Attends un peu, ce n'est pas le moment de partir. De la dernière pluie de la nuit, sa couleur. Attends où va-t-on, mais ne pleure pas. Attends où va-t-on, loin de moi. Attends où va-t-on, ne m'embête pas. Va-t-on ou alors attends-moi. La dernière pluie de la nuit, c'est le premier chagrin du matin. À tout hasard, attends ce soir et tu verras bien. Mais à force de faire des chansons, est-ce que tu crains un peu la redite? Tu veux pas toucher au thème que tu as déjà... Ben, élaborer. Bah, disons que de toute façon, les thèmes, en réalité, il n'y en a pas des milliards. Enfin, je veux dire, c'est plutôt la manière de regarder ces thèmes, la manière de les aborder, la manière de... Voilà, la forme qu'on donne aux choses. Et même, je dirais, l'interprétation, parce que même un truc aussi simple que « je t'aime », si c'est dit par un artiste de variété ou par Jacques Brel, ça sonne pas pareil. Enfin, en fait, rien n'est en soi. Je crois que rien ne peut être une redite à part quand les choses sont vraiment manufacturées, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour être une redite. Et que donc ce qu'on craint au contraire, c'est que ça ne redise pas parce que ça risque de ne pas marcher. Oui, ouais, exactement. Par contre, dès qu'on se déplace, je pense que je crains pas ça, non. Est-ce que tu travailles beaucoup l'écriture? Est-ce que c'est un travail au quotidien où tu te donnes de l'espace pour faire autre chose, histoire de t'imbiber et par la suite te retrouver devant la page blanche? Ah ouais, c'est vraiment la deuxième. Ouais, c'est ça. La deuxième chose, ouais. Je suis pas du tout une travailleuse du quotidien et encore une fois, oui, je travaille pas comme ça. J'ai besoin... Donc, ma personnalité fait que j'ai besoin de faire d'autres choses et même d'autres choses que ma musique artistique. Donc, je produis des albums. Okay. Je produis des albums pour d'autres artistes. J'adore donner des cours d'écriture à des artistes et rencontrer des gens. J'adore jouer de la basse sur des tournées pour d'autres gens, être vraiment à la place de musicienne, par exemple. Et le travail avec les autres artistes me nourrit vraiment. J'adore. Faire que leur disque va être le mieux possible et je travaille avec des artistes aussi différents que là, les deux derniers disques sur lesquels j'ai travaillé, celui de Frankie Gogo qui est un artiste électro, ultra, très, très, très intime et en même temps très dance floor, et en même temps Julie Gasnier qui est une artiste minimaliste avec des choses épurées, qui pour moi sont tous les deux des grands artistes et j'ai la chance de travailler, j'ai la chance qu'ils me demandent de travailler avec eux et que je puisse explorer ça, et ça me nourrit mais en même temps, pleinement. Ce qui est bien là-dedans, c'est que ça t'enlève le fait d'être devant scène. Ouais. Et derrière, tu vois un peu, toi, t'as un œil éloigné. Ah oui, oui. Ouais. Non, puis moi, c'est vrai que le système qui est de faire un disque tous les deux ans avec entre deux une tournée dans tous les... Ça n'a... En fait, si ça n'est pas arrivé dans ma vie, c'est aussi parce que j'en ai jamais eu envie. ça m'intéresse pas. Vraiment. Oui, enfin voilà, mais je vais faire toujours la même chose et puis surtout être sur soi en permanence. Ouais. Écoutez-moi, en fait, ça me fatigue d'avance moi-même. C'est-à-dire que j'ai pas... par exemple, les concerts, j'adore être sur scène quand il y a un influx nouveau. Répéter le même concert tous les soirs, alors certes, le public fait que c'est différent, blablabla, mais en vrai, quand même, de toute façon, tout me pose question, l'espace scénique, ça me pose question, le rapport public-artiste, toutes les conventions de ce rapport-là, je suis pas à l'aise avec ces choses-là, c'est pas... Donc c'est vrai que quand je travaille avec d'autres à une autre place, ou quand je fais, par exemple, je travaille aussi avec un cabaret, avec Fracas, donc le label qu'on a monté avec les artistes Roby et Émilie Marche, on travaille beaucoup avec un cabaret ici qui s'appelle Le Secret, oui. Qui est un cabaret très politique, très... et là, du coup, je suis sur scène en mini-jupe à paillettes à faire de la basse avec des créatures, et c'est encore un autre univers. Tu connais David Lenoir? David Noir, c'est avec lui qu'on travaille. Lui, c'est un génie. Un être extraordinaire. C'est un génie absolu. Ouais. Ouais. C'est imposant de le rencontrer. C'est vrai. Ah bah oui, oui. Bah, moi, j'ai voilà un grand artiste avec lequel j'ai la chance de travailler. Là, on va. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais. Il remet tout en question. Ouais. Ouais. Un être avec qui tu peux parler. Et t'enrichir. Mm-hmm. Ouais, c'est un grand bol. Bah là, on va préparer ce qu'on appelle le fra cabaret, qui est un mélange, qui est un cabaret rock, justement, et dans lequel il y aura seulement 3-4 créatures, dont David Noir, donc ça va être génial. Et Monsieur K. Ouais, que j'ai rencontré aussi. Voilà. Ouais. Bah, c'est ça, c'est ce cabaret avec lequel je travaille. Et ça, voilà, je me sens tellement enrichie de tous ces placements, en fait, qui sont jamais les mêmes, dans lesquels j'ai jamais le même rôle. Et, Et je conçois pas la vie autrement que dans ce changement de place. Parce que tu parlais du risque d'épuisement. Quand on change son regard de place, et qu'on regarde jamais les choses du même endroit, on peut pas s'épuiser. Mais même la joie de vivre, elle est là parce qu'il y a ces changements. Elle est multifacette. Ben oui. Mais toi, on sent chez toi, quand on écoute tes chansons, qu'il y a beaucoup de... On sent la nuit, on sent le milieu souterrain, underground. Et puis en plus, tu souris. Est-ce que ça fait partie de ta vie, la vie nocturne? Bah, la vie nocturne, chez moi, elle est plus intime que collective, en réalité. J'ai pas une vie underground où je vais dans les clubs ou tout ça. C'est plutôt un moment de... Où effectivement on se sent hors du monde qui travaille, hors de la société, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais j'ai très peu d'activité nocturne, c'est plutôt un moment de la non-activité, alors que je suis quelqu'un finalement qui le jour est très un peu partout, et donc j'ai besoin de ce recul, mais tout comme le besoin entre la ville et au contraire le recul complètement dans... Alors la nuit, c'est le temps de s'arrêter. Ouais, c'est le temps de s'arrêter, c'est le temps de... un temps de suspension. Mais adolescente, est-ce que tu profitais de la nuit pour être dans l'action? Bah oui, parce qu'en plus quand on est adolescent, en tout cas quand on est toujours à l'école, il n'y a rien de pire pour être dans la société qui nous demande de faire ci, de faire ça, et donc effectivement la nuit c'était le moment où, en plus j'ai toujours été obligée de me coucher tôt, c'est-à-dire que mes parents étaient très... très stricts. Voilà, par contre j'avais effectivement fait l'achat d'une lampe de poche, comme tout bon ado qui se respecte. Et bon, bah, je suis née dans des années où il n'y avait pas de téléphone portable, et ce qui fait que je lisais des livres. Je lisais des livres et j'écrivais toute la nuit. Et j'étais crevée le matin, mais en tout cas, beaucoup de choses se sont construites à ce moment-là. Dans la journée qui nous appartient. En même temps, la nuit, c'est d'autres vibrations, donc ça amène d'autres créations. Bah, c'est sûr, il y a ce silence, hein. c'est un peu surfait de le dire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, oui, c'est l'endroit d'une non-activité. Et puis même si, effectivement, après, plus tard, j'ai découvert toutes les activités de la nuit, et je suis quand même beaucoup sortie. Mais oui, ça reste un endroit, en tout cas... Où tout est possible. Où tout est possible, où... Oui, c'est l'envers du décor, quoi. Il y a quand même ça, et même si la nuit est aussi régie par plein de règles, en tout cas la nuit sociale, il y a aussi ce décorum, et ça peut être aussi fatigant quand on se rend compte que finalement c'est un autre décorum et qu'il y a d'autres... Donc, une micro-société. Voilà. Ouais. Mais surtout, il y a des expressions comme la nuit, tous les choses sont gris, c'est vrai, tout le monde est pareil, sur le même diapason. Ben c'est sûr qu'il y a un comptoir de bar, mais c'est pareil, c'est des choses qui tendent. C'est précieux de garder justement dans l'univers de la nuit cette chose où tous les chats sont gris, mais plus on spécifie les choses, plus les lieux sont des lieux finalement où les gens qui sont comme ça vont là, les gens qui sont comme ça vont là. Là, là. Et finalement, les lieux de rencontre, les lieux qui brassent vraiment des gens et qui sont ouverts. C'est d'ailleurs souvent des cafés qui ressemblent à rien, mais des cafés de quartier qui sont pas justement, qui n'essaient pas d'avoir de chercher leur clientèle, et qui sont des lieux soit qui ferment plus tard que les autres et qui font que tout le monde se retrouve là, soit qui sont informes, donc sur lesquels personne ne vient en se disant qu'ils ne correspondent pas. Parce qu'en fait, il ne faut pas correspondre à quelque chose. Mais finalement, les bars, souvent où je me sens mieux, c'est des bars. Des barres de rien, de rien, quoi. Personne ne juge personne. Personne, voilà. Ouais. Do it. que t'as une ville? Une ville. Paris quand même, puisque c'est quand même la ville dans laquelle il s'est passé tant de choses pour moi et que je continue à aimer malgré tout, je dirais. Est-ce qu'il y a des arrondissements que tu préfères à d'autres? Bah, je suis quelqu'un qui du nord, hein, du nord-est de Paris. Alors oui, mes arrondissements préférés, c'est le 19e, le 18e, voilà. Alors, nous y sommes. Nous y sommes. Bah, c'est des quartiers qui sont très différents. C'est-à-dire que moi, j'habite à Barbès. Oui, j'adore Barbès. Voilà, et donc il y a ce truc de Barbès. Et Barbès, c'est d'un côté, il y a la Goutte d'Or, et de l'autre côté, il y a Montmartre. C'est un donc, monde en soi. Voilà, ouais. Quand tu pénètes dans Barbès, moi, j'y vais assez souvent pour vraiment me sentir à travers une foule. Ah, ouais, c'est... Moi, j'adore ce quartier, voilà. Ouais. Si tu étais une langue, Une langue? Le français. Ouais. C'est la seule langue. Enfin, c'est la langue avec laquelle j'ai travaillé tout, mes émotions. C'est ma langue maternelle. C'est pour ça aussi que j'adore plein de langues. Hein. J'adore et l'anglais est la langue de la musique par excellence. C'est-à-dire que tout sonne en anglais. C'est une langue. Enfin, ça reste une langue pour moi extraordinaire. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle est la langue de on va dire d'une culture envahissante. Malgré tout, c'est une langue qui est extraordinaire, qui chante, et le français étant une langue atonale, c'est pas facile d'en faire quelque chose, mais le défi il est là et c'est vrai que c'est une langue dont j'aime les subtilités quoi. Si tu étais un mot. Un mot. Il va falloir couper. Pas du tout. Un mot. Le silence en disant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est difficile de se réduire à un mot. Hein. Alors, je sais pas. Multiple. Multiple. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Des pâtes. Ah ouais, c'est facile, c'est pas cher. C'est bon. Pas cher, c'est bon. Ça sauve un budget. C'est vrai. Ouais. Disons que c'est l'aliment qui permet de faire les choses des choses ultra raffinées alors qu'il est basique. Ouais. Et, très nutritif. Très nutritif. Ouais, ouais. Si tu étais une saison. L'automne. L'automne, j'adore l'automne. J'adore l'automne ce à Paris. Changement. Ah bah, l'automne, ouais, et l'automne dans la campagne. Ouais, ouais, quand ouais. Tout commence à prendre des couleurs. Ah ouais, la beauté, ouais. Et des odeurs et des couleurs ouais, c'est vrai. Incroyables. C'est vrai. Si tu étais un membre corporel. Si tu étais un membre corporel. La main. Alors là, je me retire toujours, mais je parle énormément avec mes mains. Ah oui, okay, mais ça se voit pas, ça se voit pas. Bah, parce qu'en fait, c'est marrant parce que c'est un truc que je voyais quand j'étais en interview filmée. J'ai des interviews entières où je suis comme ça. J'ai l'impression qu'on dit des Italiens d'habitude, j'adore le toucher. C'est le membre. Avec lequel je fais de la musique, quoi, et puis on touche l'autre. L'humanisme. Voilà. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Bah. Ah. Eh ben, en réalité, le moment qui m'émeut le plus, que je ne vois pas si souvent, c'est le très tôt le matin. Ok. Le jour qui se lève. Ça, c'est vraiment. Et notamment. Ouais, mais même d'ailleurs quand la nuit a été passée, ce qui est le moment le plus incroyable, c'est quand le 5h du matin, là, quand le jour se lève. Et que tu te couches. Voilà, et que je me couche. Ou alors quand j'ai au contraire bien dormi et je me lève très tôt pour prendre la voiture et partir dans la campagne. Ou au contraire quand je me lève dans la campagne et que j'entends les premiers oiseaux. Ah ouais. Et ça c'est un moment, tous les possibles quoi, qui vont arriver de la journée. Commence, donc, ouais. Si tu étais un autre individu. Mmh. sur la peau de qui je voudrais passer quelques temps pour savoir, pour savoir ce qui s'y passe. Alors, si je devais être un individu pendant un tout petit temps, j'aurais plutôt tendance à vouloir aller dans, à l'intérieur d'un ennemi, pour savoir ce qui s'y trame, quelqu'un qui vraiment... aux antipodes. Qui est aux antipodes, c'est-à-dire je voudrais être Margaret Thatcher dans les années 80. En me demandant, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette tête pour que ce soit aussi loin de tout ce que j'imagine être l'humanité. C'est ça qui m'intéresserait le plus. Ou sinon, évidemment, dans la tête de quelqu'un que j'admire absolument, donc de la tête de Kate Bush, par exemple, savoir ce que c'est qu'être à l'intérieur de ce génie visionnaire et cet être qui ressemble à personne. Voilà. À choisir. Ou être dans. Évidemment, être un homme. Ouais. Comme la chanson de Diane Tell. Moi, si j'étais un homme. Ouais. Alors, par contre, elle est beaucoup trop. La chanson de Diane Tell, et je l'adore, hein, je trouve la mélodie incroyable, mais. Disons que c'est un rapport homme-femme qui est un petit peu d'une autre époque, on va dire. Mais il faut dire que ça a été écrit aussi fin des années 80. Bah, c'est ça. Ouais. Mais sinon, effectivement, si j'avais 5 minutes, comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau d'un homme. À choisir, parce que tu fais la même chose. Hein. Oui. Ah ouais, j'ai aucune sensation d'avoir des... Ouais, j'ai pas de regrets, pas de remords, pas de... Ça, je... Je me sens bien avec le chemin que j'ai fait. Et puis je trouve que ça vraiment, ça sert à rien de se dire si j'avais fait autrement, parce que ça n'arrivera pas. Ouais. Par contre, se poser la question de si on peut faire autrement par la suite, ça c'est une vraie question. Ouais. Est-ce que je serai au même endroit Est-ce que tu as beaucoup de projets? Ouais, j'ai beaucoup de projets différents comme d'habitude, mais. Est-ce que tu mets à chaque fois que tu entreprends un projet, est-ce que tu le termines? Oui. Ou si ça, ok. Ouais. J'ai pas de choses en plan, pas de choses que j'abandonne en cours de route. Ah, ça, par contre, ça pourrait être quelque chose que... C'est peut-être pour ça que j'ai pas de truc de regret. C'est-à-dire que c'est vrai que chaque chose que je fais, je le fais jusqu'au bout. Tu le mets à terme? Ouais. Et tes projets? Et mes projets, bah là, j'en ai plein. Donc, je suis en train de commencer l'écriture d'un nouveau disque pour moi. Mais... Pourquoi tu sens l'urgence maintenant? J'en pas d'urgence, j'en sens un désir. Ok. Ouais, sans désir, je le ferais pas. Mais là, je sens un désir, notamment par rapport à ce que j'ai dit sur ce truc de l'écriture. Oui. En fait, là, je sors d'un mois de formation de musique à l'image, que j'ai fait non pas pour faire forcément de la musique à l'image, même si c'est quelque chose que j'ai découvert, en tout cas en faisant dans ce truc-là, qu'en fait, j'adore. Et que, alors que je me disais que c'était pas forcément pour ça que j'allais, c'était plutôt pour toucher l'écriture, des formes d'écriture différentes, de la musique orchestrale, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça m'a mis dans un gymnastique de composition que j'ai vraiment envie de poursuivre. Ah ouais. Et puis je travaille avec aussi sur l'idée d'un disque où je ferai une réduction au piano de beaucoup de mes chansons et faire des nouvelles chansons, mais des pianos avec un pianiste qui travaille avec moi depuis toujours, qui s'appelle Jean-Baptiste Julien, et de faire des choses avec des pianos préparés et en Dolby Atmos, c'est-à-dire avec et pour le concert en multidiffusion et en binaural j'ai toujours une attirance pour la musique contemporaine, la technologie, j'ai envie d'explorer ça. Et puis donc, je travaille aussi sur la tournée en tant que bassiste de Frankie Gogo, artiste que j'adore. Donc on vient de terminer une résidence. La tournée de Julie Gasnier, pour qui j'ai fait le disque, pareil, à la basse et au clavier. Il y a le Fra Cabaret qui arrive, donc avec toutes les créatures du cabaret à la rentrée. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein d'autres choses. Mais à l'horaire, est-ce que c'est difficile de trouver... la place pour tout placer ça, ou s'il y a des conflits quelquefois? Je m'organise pour que ça tienne dans un agenda. Des fois je me dis que je devrais lever le pied un petit peu sur des choses, puis je n'y arrive pas. Ça sert à rien. C'est la passion aussi de travailler sur ça. J'essaie de dire non des fois, mais en vrai, quand quelque chose m'attire et que je sens que je vais y trouver quelque chose qui va me nourrir. Qui va t'inspirer aussi pour autre chose. Ouais, voilà. Tout ça, c'est comme tu dis, hein, tous les moments où je travaille pas pour moi, je travaille pour d'autres choses. De toute façon, c'est pas du temps perdu pour mon projet. Au contraire, c'est du temps... Ça enrichit. Ça enrichit, oui. Carrément. même. Et à quel moment tu as décidé de prendre un nom d'artiste? Est-ce que tu n'as pas parti sur ton propre nom? Alors, disons que mon prénom, qui est Karen, c'est un prénom un peu, comment dire, que je l'adore hein, pourtant, mais c'est un peu lié à un truc très américain, série américaine. Okay. En tout cas, à cette époque-là, en 2000, là, il y avait je ne sais combien de séries avec des Karen. Je trouvais que j'arrivais pas. Et puis je crois que j'avais besoin d'avoir une distance, c'est-à-dire que justement de ne pas dire la voix que j'allais porter, c'était la voix de moi en tant que personne de l'état civil, on va dire. Okay. Donc j'avais besoin de. Mais tu vois, je suis pas partie très loin parce que j'arrivais pas à me débarrasser de cette lettre K par exemple, ouais, qui pour moi me constitue. Alors Monsieur K doit te plaire beaucoup, Monsieur K. Monsieur K, du coup on se retrouve bien. Oui, c'est Madame ça, K. Ça déjà dit Katel commence par le K. Ouais. Et donc oui, Katel, c'était le prénom que mon père voulait me donner. Oh. Et, voilà. Ah, c'est bien. Le prénom que mon père. De mon à l'origine. Voilà. Comme ça, j'ai le prénom de ma mère et le prénom de mon père bon. dans ce qu'il voulait donner. Et puis j'aime, et c'est rigolo, Katel, parce qu'on dirait une question. Katel? On dirait une question. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Katel. Ah oui, c'est, ah oui, Katel. Oui. Ouais. Effectivement. Ah oui, c'est vrai, c'est. Ouais. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui t'a amené cette réflexion-là sur Katel? Non, c'est moi. Ok, c'est bon. Eh bien, merci. Hein, merci beaucoup. C'était super. Et puis, je vais prendre quelques photos. Lors de notre diffusion, on va tu vois comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Et puis, vraiment, t'es une artiste multidisciplinaire. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est bien parce que tu ne fais jamais du surplace. Ben merci, ça mais, fait mais plaisir. C'est de là l'intérêt d'une créatrice de faire plein de choses. Oui. Oh, là, le truc, c'est, je te dis, hein, creuser son petit sillon, et ça, c'est un cauchemar pour moi. Parfait. Hey, mais merci, puis à la revoyure. Bye. Bye. Plaisir. De quoi soleiller lèvres? De qui pleure la pluie? Qui a croisé nos heures? Stoppons ça de midi. Oh, le bal a glissé dans le vide. Oh, la nuit s'annonce facile. De qui cogne le cœur? De quoi pointe l'ennui? Qui conjugue la peur? Stoppons ça de minuit. Oh, la foule danse dans le vide. Oh, la nuit s'annonce. Il paraît qu'il y a des hommes en chasse dans la ville. De quel horizon sourdre? De quelle nuit mal armée? De quelle langue en ruine? Sa ponçonne les. Oh, la foule avance dans le vide. Oh, la nuit s'annonce sans guide. Il paraît qu'il y a des hommes en chasse dans la ville. Je suis sale, tu me dis. Je suis sale, je me lève. Je suis sale, tu me dis. Je suis sale, tu me dis, je suis sale, je me lève. Je suis sale, tu me dis, je suis sale, je me lève. Je me lève. Il paraît qu'il y a des hommes en chasse. Oh, la nuit promet d'être. Chers amis, si je vous. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.